L'été est là, et avec la belle saison arrivent parfois des avaries, comme l'infiltration d'eau dans la maison ou encore ailleurs. Pour tous travaux de nettoyage, faites appel à ProNet, groupe urgence sinistre, communément appelé GUS. De vrais spécialistes du nettoyage d'urgence, 24 heures sur 24, plusieurs équipes et plusieurs véhicules. Nettoyage, aussi d'échangeurs d'air et de conduits de ventilation. Pour nous rejoindre, c'est le 418-679-4178. GUS vous invite à participer en très grand nombre aux régates de Saint-Félicien. C'était la traditionnelle traversée internationale du lac Saint-Jean dans des conditions, on peut dire, très, très froides. Il a couvert la traversée pour le 99.5 Planète Marc-André Leclerc. Salut Marc-André! Oui, bonjour Danny. Marc-André, c'était-tu dans les pires traversées que tu as fait? Parce que à la radio, tu en as fait plusieurs sur le lac. Tu as également, participé comme... coureur. Est-ce que c'était une des pires que tu as vues? Oui, c'est dans des bonnes traversées, là, en termes de conditions extraordinaires, il y a les pires. C'était peut-être pas la pire, mettons, des 15 dernières années, mais au cours des 15 dernières années, c'était sans doute dans le dernier tiers, un cinquième, là. Donc, c'était peut-être dans les 3-4 pires en termes de température dans l'eau à 63 degrés Fahrenheit. Au début de la course, 65, 66 à la fin. Également, l'air ambiant, là, où c'était vraiment pas chaud, les vents, la vague. C'est une compétition très difficile, et on l'a vu, hein. 11 abandons sur 23 athlètes, là. Donc, ça prouve comment la compétition a pas été évidente. Est-ce que, pour les athlètes, on sait que c'est quand même, ils s'entraînent fort. Je parlais avec Dominique Bolduc sur le quai, samedi. Il me disait que bon, ça commence au mois de septembre. Mais est-ce qu'ils ont vraiment... ils s'entraînent dans des conditions pour être comme on a eu samedi? Bien, on essaie... Les athlètes essaient toujours de prévoir un peu... c'est ça la natation au libre, hein, c'est pour prévoir l'imprévu. Donc, à partir de ce moment-là, il faut essayer de se préparer, puis il faut essayer de voir un peu qu'est-ce qui peut arriver. Et c'est sûr qu'on va faire des entraînements en eau froide et tout ça, mais je veux dire, c'est dur de recréer des conditions comme celle-là, tu sais, d'avoir... cette vague-là de côté, un petit peu dans la face, qui est étonnante, après ça avoir... Fait que, tu sais, on peut prévoir le pire, on peut essayer en entraînement, mais c'est très difficile de retrouver des conditions comme celle-là. C'est pas à tous les jours là, que l'eau est aussi froide avec les vagues, donc c'est un mélange, c'est un cocktail d'éléments qui font en sorte que cette traversée-là a été particulièrement difficile. On pouvait le prévoir, hein, dans la semaine précédente, la traversée, c'était pas... les conditions, là, je pense que c'était la pire semaine du mois de juillet depuis très longtemps. Là, on voit que cette semaine, la météo semble au moins s'améliorer au niveau du mercure, mais à partir de ce moment-là, ça fait en sorte que c'était très difficile et qu'on voit 11 abandons sur 23, là, ça prouve que c'était pas des conditions, même si on essaie de se préparer, surtout qu'évidemment dans les 11 abandons, on voit des noms là, de Tommy Stefanowski qui avait remporté les deux dernières éditions, également des mille d'hommes, donc même les favoris là, ont tombé parmi ces 11. Je parlais de Dominique Bolduc, puis il me disait, dans son cas, lui, il dit, on s'entraîne même au lac Beauport, parce que lui, il vient de l'Université Laval, il dit, on arrive au mois de mai, fin avril, début mai, on s'en va déjà dans le lac Beauport pour s'entraîner, pour se préparer pour une eau froide. Mais on ne sait jamais quand même. Là. Non, c'est ça. Les athlètes essaient de se préparer. Moi, quand je nageais, je le faisais aussi. J'allais dans les lacs très, très tôt, hein, pour essayer vraiment de tenir des conditions les plus difficiles. Mais à partir de ce moment-là, c'est difficile aussi en entraînement d'aller au bout de nos limites. C'est plus dangereux d'aller nager 4-5 heures à cette température-là. Fait qu'on le fait en petites portions pour s'acclimater. Le corps est capable de s'habituer à ces conditions-là, mais il reste que lorsque tu ajoutes la vague et tout ça, l'effort, ben ça reste en sorte que on doit être bien, bien prêt. Et on voit pas, et aussi là, les athlètes qui sortent, ils veulent pas hypothéquer le reste de leur saison, bien entendu. Si on parlait maintenant de Xavier Desharnais, qui a été le gagnant de la 61e traversée internationale du lac Saint-Jean, ça a bien été dans son cas, hein. C'était lui et Gartin, déjà, je pense, à compter de, on pourrait dire 10 heures le matin, ils ont pris une sérieuse option, là, pour la position tête 1 et 2. En fait, la seule inquiétude, c'est comment qu'elle allait réagir en eau froide, puis ils ont quand même, je les ai vus tous les deux à l'arrivée au quai, puis ça a quand même bien été dans les deux cas, là. Oui, les deux ont été extrêmement bons. Autant Xavier Dernais, Philippe Guertin. Rapidement, c'est une course comme c'était pas le scénario de la course, le film de la course est un peu différent des années précédentes. Rapidement, là, un petit groupe de 4-5 se sont faufilés à l'avant. Habituellement, on est habitué d'avoir un peloton, un pack d'athlètes d'environ 15, même des fois 20 pendant 3, 4, 5 heures. Là, rapidement, quelques joueurs se sont démarqués. Et ça fait en sorte qu'on a une traversée un petit peu différente au niveau des années précédentes. Et Xavier et Philippe ont pris la tête avec Bertrand Venturi, Hugo Ribeiro, le Portugais. Et rapidement, là, ils ont nagé tous les quatre, amené avec Gabriel Pouliot. Malheureusement, Gabriel était contraint à l'abandon. Et là, après ça, ces quatre-là, là, se jouent entre les quatre. Après ça, c'était les trois avec Bertrand Venturi. Et à la fin, là, je dirais la dernière heure, même les deux dernières heures, là, c'était Xavier et Philippe là, à l'avant, qui s'est changé de position. Ouais. Des fois, un prenait 25 mètres d'avance, se faisait rattraper. Et à la fin, là, Xavier, par son endurance, par également le fait qu'il a déjà remporté, par son expérience, a fait en sorte qu'il était capable là, d'aller chercher une minute d'avance à la fin. Parce que, je te dirais, Danny, là, peut-être à un kilomètre là, du panneau d'arrivée, ils étaient toujours ensemble. Ça s'est joué vraiment dans environ les 500 derniers mètres. Où là, ça l'a vraiment, là, Xavier était capable vraiment d'aller une coche en avant, de sprinter. Et sur papier, Philippe était le meilleur marchand de vitesse. Mais bon, après 32 km, après les conditions, il s'avérait que Xavier étant peut-être le nageur le plus endurant des deux, le plus fort sur une longue distance, ça fait en sorte qu'il a permis de finir la traversée en force et d'aller chercher là, cette minute d'avance là, dans les derniers mètres. Et pour lui, Xavier, là, avec sa victoire l'an passé, c'est quoi, avec Émile Stefanowski, ça fait en sorte là, qu'il remporte deux victoires consécutives, qui égale là, le record pour un Canadien de Paul Rousseau dans les années 50. Donc, Xavier pourrait établir l'an prochain nouveau record, là, devenant le premier Canadien québécois à remporter trois traversées consécutives. Ouais. Là. Donc, sans doute que Xavier sera de retour l'an prochain pour essayer d'écrire cette page d'histoire-là. Et de voir deux Canadiens sur les deux plus hautes marges du podium, c'est la première fois. Et c'est la première fois qu'on a deux Canadiens sur un podium depuis 1962. Donc, tout là, encore une fois, montrer l'exploit que ces deux jeunes hommes-là ont fait au cours de la traversée des... Tu le places où, Xavier Desharnais, dans l'échiquier de ces nageurs-là? C'est sûr que c'est un championnat, là, mais tu le places où, Marc-André, là-dedans? Ben, faut tout en rendre des années, hein, parce que le niveau des athlètes à chaque année varie au niveau de la traversée. Cette semaine, c'est les championnats du monde en Russie, les championnats du monde aquatique, ou des épreuves d'eau libre de 5, 10 et 25 kilomètres. Il y a même une épreuve en équipe. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'athlètes qui étaient concentrés vers ce championnat-là, mais Xavier, par ses performances des dernières années, s'inscrit dans les nageurs de fond de marathon de 25 km et plus, s'inscrit dans le top 10, okay. Sans doute des meilleurs athlètes au monde, sur les vraiment des épreuves là, des épreuves longues. Il a le gabarit, il a la force, il a le physique de l'emploi. Donc, ça fait en sorte que ça l'inscrit parmi ces gens-là. Ça aurait été très intéressant de voir Anthony Stefanowski gagner de l'homme également jusqu'à la fin. Mais eux, ils ont été victimes de l'eau froide. Donc, à partir de ce moment-là aussi, c'est cette journée-là. Hein. C'est la journée, la traversée, c'est une journée par année. Faut être prêt cette journée-là. Donc, faut pas avoir de pépins. Faut que la température de l'eau soit adéquate pour notre corps, soit capable d'endurer. Donc, vraiment, Xavier a été le meilleur. Stefanowski a quoi? 42 ans, Desharnais a quoi? 29 ans. Est-ce que la différence d'âge, est-ce qu'en rendu à 42 ans, une température froide comme ça peut nuire ou pas du tout? Ça n'a aucune importance? Je pense pas que c'est en termes de l'âge. Okay. Je veux dire, chaque être humain est différent et chaque nageur okay. est capable et plus ou moins bon ou plus endurant en eau froide. Moi, personnellement, Robert Valois d'origine, j'ai nagé très tôt dans le lac Saint-Jean, donc ces températures-là, je me climatais plutôt bien. Tandis que des nageurs d'Amérique du Sud, exemple, Daniel Blum, c'est sûr que lui, la température de l'eau, même s'il aurait allé s'entraîner dans des températures froides dans son pays, il n'y en a pas vraiment, tu sais, c'est en Argentine, tu sais. À part ça, donc, il y a une différence, il faut faire avec. Non, je pense pas que c'est une question d'âge. Je pense aussi, Tommy Stefanowski, je pense que c'est des conditions aussi, c'est une condition générale, là, physique, là, il est rendu dépasser la quarantaine, puis à partir de ce moment-là, c'est sûr que peut-être que les bobos se font plus ressentir. La natation olympique, c'est un marathon, c'est de l'endurance. C'est sûr que plus on prend en âge, souvent on est lié à notre endurance. Donc, s'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, et peut-être au niveau de la récupération. Et Tommy avait une année difficile avec différents problèmes de santé. Donc, à partir de ce moment-là, peut-être sa préparation n'était pas adéquate. Et quand il a vu la température de l'eau et les vagues, il s'est rendu compte que les défis étaient très, très, très différents que l'année précédente où les conditions étaient peut-être plus commodes. Okay. Je vais te parler maintenant de Sabrina Lavoie. Sabrina Lavoie, je la connaissais de nom, mais je l'ai vue pour la première fois samedi. Elle est tout petite, cette femme-là. Mm-hmm. C'est un avantage, désavantage, ou pas pantoute. Encore là, ça joue pas. Ben, c'est sûr qu'une nageuse là, qui est grande, c'est sûr sa portée, tout ça, son nombre de tractions va être influencé par la longueur de ses bras, la longueur de ses pieds. C'est sûr que Sabrina doit composer avec étant plus petite, avoir des bras plus petits. Fait qu'il faut qu'elle donne plus de rotation par minute. Des fois c'est un peu plus difficile. Mais non, je pense qu'il y a différents gabarits d'athlètes et tout ça. Elle aussi, elle était victime de l'eau froide, mais tu sais, même si elle aurait mesuré un pied de plus, je pense pas qu'il y avait de différence sur la finalité, malheureusement, de sa traversée. Elle était très déçue, c'est comprenable. Ces athlètes-là se préparent longtemps d'avance. C'est une fille de la région, et c'est sûr qu'elle voulait bien performer. Malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé. Mais elle va se reprendre. Il faut apprendre de ces moments difficiles-là. Elle a passé quand même beaucoup de temps dans le lac, 3-4 heures dans le lac. Fait que, à cette température-là, faut bâtir là-dessus. Et c'est pas évident. Elle avait connu un excellent départ. Elle a nagé avec le peloton de tête durant la première heure, avec les premiers durant un bon bout de temps. Pour elle, ça, c'était une réussite. C'est quelque chose qu'elle voulait faire. Et là, par la suite, on s'est rendu compte que c'est un petit peu plus dur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si samedi avait seulement eu, mettons, une des deux conditions, soit beaucoup de vagues, mais la température est chaude, je suis persuadé qu'on n'aurait pas eu 11 abandons. Tandis, l'inverse également, même si l'eau est froide et quand la vague n'est pas là, ben ça t'aide aussi. Mais là, quand les deux sont ensemble, c'est vraiment le côté le plus dévastateur pour les athlètes. Et ça fait en sorte que là, on dépense beaucoup d'énergie à combattre la vague et le froid également. Donc, c'est très, très, très exigeant. Pour l'avoir vécu dans mes deux premières traversées, là, ma première traversée, c'est des conditions qui étaient vraiment exécrables, même un peu pire que samedi, selon moi. Et je veux dire, il fallait batailler ferme là, pour traverser. C'est extrêmement difficile. Donc, quand les deux plus gros problèmes se pointent à l'horizon, là, c'est très difficile pour les athlètes. Là, le grand défi, ce qui reste maintenant, c'est évidemment ce qui va amener, parce qu'il y a une grosse épine d'Amoclès sur la traversée internationale du Lac-Saint-Jean, en raison, bon, que semble-t-il, je t'écoutais à la radio, tu l'expliquais très bien samedi, c'est que, bon, semble-t-il que la FINA va abandonner les 25 km ou les 32 km, des conditions semblables à la traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Et j'ai fait une petite entrevue avec Ginette Fortin après, et ils sont vraiment sur... Il y a vraiment une épine de Damoclès. Ils sont dans le néant actuellement, les autres, là. Ben, en fait, c'est... En fait, ce qui ne faut pas dire non plus que la FINA va se retirer. Okay. Je suis pas prêt à dire ça. Sauf qu'il y a un questionnement présentement. Il y a des marathons en Argentine. Magog qui se retire de la FINA. Donc, seulement 5 courses cette année. Est-ce que la FINA va vouloir continuer là-dedans? Pas évident. Pas évident de savoir s'ils vont vouloir le faire. Il y a une rencontre prochaine, au cours des prochains jours en Russie là-dessus. On devrait en savoir un peu plus. Soit à Kazan, au championnat du monde, il y aura une rencontre des promoteurs. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que ça prend peut-être une réorganisation. Si la FINA veut délaisser ça, je suis sûr qu'il y a un autre circuit qui peut se mettre en place. Parce que la FINA, moi quand je pense en eau libre, je pense à la FINA. Tu sais, t'as beau, je pense pas aux autres, là. Il y a une crédibilité aussi là-dedans. Non, mais c'est ça. Moi, il y a une crédibilité, sauf que là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en 2008, le 10 km est rentré aux Olympiques, et ça l'a fait en sorte que, là, les gens se sont plus concentrés sur le 10 km. Et ça a fait un peu qu'ils délaissent les autres types d'épreuves de 25 km et plus. Et faudra voir aussi, là, donc il y a toute une sensibilisation, il y a toute une structure du sport à repenser. Parce que avant que le 10 km soit aux Olympiques, ben tout le monde faisait de l'eau libre, peu importe la distance. Mais là, il y a beaucoup de gens qui se concentrent actuellement sur le 10 km parce que c'est la seule épreuve en eau libre aux Olympiques. Et là, ça laisse un peu les marathons qu'on a traversé de 32 km un petit peu moins populaire pour le bassin des athlètes. Mais il y a sans doute des en se parlant et le traverser par son leadership doit parler avec la FINA, voir bon si ça vous intéresse, bon mais comment on peut changer ça pour que ce soit attrayant pour les marathons, puis que les marathons soient satisfaits dans les circuits, que les athlètes soient satisfaits et que les gens aient le goût de poursuivre dans cette voie-là. Donc je pense qu'il y a une offre présentement, mais l'offre ne répond peut-être pas aux athlètes et aux promoteurs et à la FINA. Donc, je pense que tout le monde est un peu insatisfait de comment ça se passe actuellement. Il faut que rapidement, les athlètes, la Fédération internationale et les promoteurs comme la traversée se rencontrent, se parlent et voient comment ils peuvent changer le circuit, peut-être le modifier pour faire en sorte que ce soit attrayant pour tout le monde de venir faire des compétitions comme la FINA. Marc-André, un gros merci. On se reparle dans 2 semaines. Moi, je prends une semaine de vacances. Je vais aux États-Unis, imagine-toi donc. Fait que dans 2 semaines, on sera là pour faire le bilan du lac Mégantic. Parce qu'en fin de semaine, c'est traversé Manitou-Maga, mais c'est beaucoup plus amateur. Donc, dans 2 semaines, on se reparle pour le lac Mégantic. Excellent. Bonnes vacances. On Marc-André se reparle. Marc-André Leclerc, analyste au 99.5 pour la traversée internationale du lac Saint-Jean.